Chapitre 16. Il ne faut point trop pleurer la Naon. La jeune fille de Corée. En ce temps-là, il y avait à Corée une jeune fille dont la mère venait de mourir et qui ne pouvait se consoler de cette perte. Elle ne faisait que pleurer jour et nuit. Tout ce que les voisins pitoyables lui disaient, pour tâcher d'apaiser sa douleur, ne contribuait qu'à l'aviver encore. Souvent, elle se démenait comme une folle en criant « Je voudrais revoir ma mère ! Je voudrais revoir ma mère !» En désespoir de cause, les voisines eurent recours au recteur, qui était un saint homme. Celui-ci se rendit auprès de la jeune fille et, au lieu de lui faire reproche de ses lamentations, se mit à la plaindre doucement. Puis, après l'avoir un peu calmée de la sorte, il lui dit « Vous seriez bien aise de revoir votre mère, n'est-ce pas, mon enfant ?»« Oh, monsieur le recteur, il n'y a pas un instant dans la journée où je ne supplie Dieu de m'accorder cette faveur. »« Eh bien, mon enfant, il va être fait selon votre désir. Venez me trouver ce soir au confessionnal. » Elle fut exacte au rendez-vous. Le recteur la confessa et lui donna l'absolution. « Maintenant, ajouta-t-il, restez agenouillés ici en prière jusqu'à ce que vous entendiez sonner minuit à l'horloge de l'église. Vous n'aurez qu'à écarter légèrement le rideau du confessionnal et vous verrez passer votre mère. » Cela dit, le recteur s'en alla. La jeune fille demeura en oraison le temps prescrit. Minuit sonna. Elle écarta le pan du rideau et voici ce qu'elle vit. Une procession d'âmes défuntes s'avançait par le milieu de la nef vers le chœur. Toutes marchaient d'un pas mystérieux et ne faisaient pas plus de bruit que ne font les nuages d'été un jour de calme en traversant le ciel. Une d'elles, cependant, la dernière, semblait se traîner péniblement, et son corps était déjeté parce qu'elle portait un seau plein d'une eau noire qui débordait. La jeune fille reconnut en elle sa mère et fut frappée de l'expression de courroux qui se peignait sur son visage. Aussi, rentrée au logis, pleura-t-elle plus abondamment encore, persuadée que sa mère n'était pas heureuse dans l'autre monde. Puis, ce seau et cette eau noire l'intriguaient. Dès l'aube, elle courut s'en ouvrir au vieux recteur. « Retournez encore ce soir à votre poste, » répondit le prêtre. « Vous serez peut-être renseigné sur ce que vous désirez savoir. » À minuit, les âmes défuntes défilèrent, silencieusement, comme la veille. La jeune fille, par l'entrebâillement du rideau, regardait. Sa mère ne vint encore que la dernière. Cette fois, elle était toute voûtée, car, au lieu d'un seau, elle avait à en porter deux. Elle pliait sous le fait et son visage était presque noir de colère. Pour le coup, la jeune fille ne put se retenir d'interpeller la morte. « Mam, mam, qu'avez-vous que vous paraissez si sombre ?» Elle n'avait pas fini que sa mère se précipitait sur elle furieuse et lui criait, secouant son tablier jusqu'à l'arracher, « Ce que j'ai, malheureuse, cesseras-tu bientôt de me pleurer? Ne vois-tu pas que tu me forces à mon âge à faire le métier d'une porteuse d'eau? Ces deux seaux sont pleins de tes larmes, et si tu ne te consoles dès à présent, je devrais les traîner jusqu'au jour du jugement. Souviens-toi qu'il ne faut point pleurer la Naon. » Sur cette idée que notre chagrin augmente dans l'autre vie la peine de ceux que nous avons perdus. Luzel, l'éveillé bretonne. Si les âmes sont heureuses, on trouble leur béatitude. Si elles attendent d'être sauvées, on retarde leur salut. Si elles sont damnées, l'eau des yeux qui les pleure retombe sur elles en une pluie de feu qui redouble leur torture en renouvelant leurs regrets. Ainsi parla la morte. Quand le lendemain la jeune fille rapporta ses paroles au recteur, celui-ci demanda « Avez-vous pleuré depuis, mon enfant ?»« Certes non, et dorénavant point ne le ferai. Retournez donc ce soir encore à l'église. Je pense que vous aurez lieu de vous réjouir. » La jeune fille se réjouit en effet, car sa mère marchait en tête de la procession des âmes défuntes, la figure toute claire, toute rayonnante d'une félicité céleste. Conté par Marie Hostiou, Quimper, 1889. La semonce du noyer. Il y a 60 ans environ, 14 hommes, dont mon oncle Ewan l'Olivier, surnommé citoyen, se noyèrent au large de Trévoux-Tréguignac, un jour de coupe de goémon, en ramenant au rivage une drôme qu'on n'avait pas assez solidement liée. Leurs cadavres furent retrouvés presque en un tas et déposés dans une charrette pour être conduits au petit cimetière de Saint-Guénolé, où ils furent tous enterrés dans une même fosse. La femme d'Ewan l'Olivier, ma tante, fut tellement frappée de ce malheur qu'elle en devint folle. Elle ne mangeait, ne buvait, ni ne dormait plus. Impossible de la retenir à la maison. À toute heure de jour et de nuit, sous la pluie et sous le soleil, elle courait les grèves des roches de Bugueles aux dunes de Treztel, en criant à tous les échos « Ewan, peller out !»« Yves, où es-tu ?»« Ewan, peller out !» Il fallait courir après elle et lui faire violence pour la décider à rentrer. Un matin qu'elle avait encore réussi à s'échapper, à la toute petite pointe du jour, et qu'avant même d'avoir franchi l'air, elle recommençait à pousser son cri éternel « Ewan, peller out !» elle entendit soudain la voix bien reconnaissable de son mari mort qui lui répondait d'un ton rude « Amen !» Ici. Aussi vite, la raison lui revint, et, s'étant tournée du côté d'où s'élevait la voix, elle vit le noyé debout devant elle, dans l'accoutrement qu'il avait le jour du malheur, et tel exactement qu'on l'avait retiré de l'eau, sauf que ses cheveux, ni ses hardes, ne dégoûtaient plus. Elle voulut s'élancer vers lui, mais il l'arrêta du geste. « Regardez, dit-il, mes habits ont eu le temps de sécher. Quand donc, à votre tour, sécherez-vous vos larmes ?» Et comme elle demeurait interloquée, ne trouvant pas une parole, « Marie, reprit-il, prenez soin de ce qui est à l'intérieur de la maison et ne vous occupez pas de ce qui est dehors. Marie, soignet arpezo enti, halest arpezo emes. » Ma tante se le tint pour dit. Elle modéra dorénavant sa douleur et s'efforça de vivre en paix. Conté par Claude l'Olivier, ménagère, Port-Blanc. La mère qui pleurait trop son fils. Gridalen avait un fils unique qu'elle adorait. Son rêve était d'en faire un prêtre. À ce dessein, elle l'avait envoyé étudier au petit séminaire de Pont-Croix. Tous les dimanches, pour l'aller voir, elle faisait le trajet de Dinéo à Pont-Croix, qui est bien d'une dizaine de lieues. Un jour qu'elle débarquait de voiture à la porte du collège, on lui apprit que Noélic, c'était le nom de ce fils tant aimé, était tombé très malade et que le médecin désespérait de le sauver. Grida devint blanche comme une feuille de papier. 3 jours et 3 nuits, elle veilla au chevet de son enfant sans vouloir prendre aucune nourriture. Il mourut. Grida emmena son cadavre à Dinéo dans sa propre voiture qu'elle conduisit elle-même. Elle lui fit faire, dans le cimetière, une belle tombe de pierre polie avec beaucoup d'écritures dessus. Et, à partir de ce moment, elle passa presque tout son temps agenouillée sur cette tombe, à pleurer, à sangloter, à supplier Dieu de lui rendre son fils, son pauvre cher fils. Les prêtres de la paroisse essayèrent de calmer sa douleur, mais leurs efforts réunis demeurèrent impuissants. On avait beau la sermonner, lui remontrer que c'est blasphémer contre les morts que de ne pas se résigner à leur perte, rien n'y faisait. On crut dans le pays qu'elle en deviendrait innocente. Parfois, en effet, au milieu de ses sanglots, elle se mettait à chanter, à fredonner les berceuses avec lesquelles elle endormait Noélique naguère lorsqu'il était un tout petit enfant. À la fin, le recteur la prit à part et lui dit « Écoutez, Grida, cela ne peut pas durer de la sorte. Vous réclamez votre fils à corps et à cri. Eh bien, répondez-moi, auriez-vous le courage de supporter sa vue si vous vous retrouviez avec lui face à face ?» « Oh, monsieur le recteur !» s'écria Grida dont les yeux brillèrent. « Si vous pouviez seulement m'obtenir de le revoir, ne fût-ce qu'un instant !»« Je vous l'obtiendrai, mais à votre tour, promettez-moi que vous vous comporterez ensuite comme une vraie chrétienne, comme une chrétienne résignée à la volonté de Dieu. »« Je vous promets tout ce que vous voudrez !» Vous pensez bien que le recteur de Dinéo savait ce qu'il faisait. Il donna rendez-vous à sa paroissienne dans le cimetière, sur la tombe du jeune clerc, au premier coup de minuit. « Un mot encore, » ajouta-t-il. « Non seulement vous verrez votre fils, mais vous pourrez même lui parler, et il vous parlera. Jurez-moi dès à présent que, quoi qu'il exige de vous, vous vous y soumettrez de point en point. »« Je le jure par les sept douleurs de la Vierge Mère !» Avant le premier coup de minuit, Grida était au rendez-vous. Elle y trouva le recteur qui lisait dans son livre noir à la clarté de la lune. L'heure sonna. Le prêtre ferma son livre, fit le signe de la croix et appela par trois fois Noélique Laine. Au troisième appel, la tombe s'entr'ouvrit. Noélique apparut debout. Il était tel que de son vivant, si ce n'est que sa figure était toute triste et que sa peau était couleur de la terre. « Voici votre fils, Grida, » dit le recteur. Grida s'était prosternée pour attendre derrière un genêt qu'elle avait fait planter au pied de la tombe. À la voix du prêtre, elle se releva et alla vers son fils, lui tendant les bras. Mais il l'écarta du geste. « Ma mère !» prononça-t-il, « nous ne devons plus nous embrasser avant le jour du dernier jugement. » Il se pencha pour cueillir une branche à la touffe de genêt. « Quoi que j'exige de vous, vous avez juré de vous y soumettre. »« C'est vrai, j'ai juré, » répondit Grida. « Prenez donc cette branche de genêt et fouettez-moi de toutes vos forces. » La pauvre femme se recula, suffoquée d'étonnement et aussi d'indignation. « Te fouetter, moi ? Fouetter mon fils, mon Noélique tant aimé ? Ah non, par exemple, jamais !» Le mort reprit. « C'est parce que vous m'avez trop aimé autrefois, c'est parce que vous ne m'avez jamais fouetté, qu'il faut que vous le fassiez maintenant. Je ne serai sauvé qu'à ce prix. »« S'il le faut pour ton salut, soit, » dit Grida Laine. Elle se mit à le fouetter, mais si doucement qu'elle effleurait à peine le cadavre. « Plus fort, plus fort !» cria celui-ci. Elle le frappa plus rudement. « plus fort encore, où je suis perdue, perdue à tout jamais !» criait toujours Noélique. Elle le frappa avec emportement, avec fureur. Le sang jaillissait du corps de son fils, mais toujours Noélique criait. « Hardi, ma mère, encore donc, encore !» Sur ces entrefaites, les 12 coups de minuit achevèrent de sonner à l'horloge de la tour. « C'est fini pour ce soir, » dit le mort à Grida. « Mais, si vous tenez à moi, vous reviendrez demain à la même heure. » Et il disparut dans la tombe qui se referma sur lui. Grida s'en retourna chez elle en compagnie du recteur. Pendant le trajet, celui-ci demanda « « N'avez-vous rien remarqué de particulier ?»« Si, » dit-elle, « Il m'a semblé que le corps de Noëlic devenait plus blanc à mesure que je le battais davantage. « C'est bien cela, » dit le recteur. Il ajouta. « Maintenant que je vous ai mis en rapport avec votre fils, vous pouvez vous passer de mon ministère. Tâchez seulement d'avoir la force d'aller jusqu'au bout. » Donc, le lendemain, Gridalen se rendit seul au tombeau du clerc. Les choses se passèrent exactement comme la veille, sauf que la mère ne se fit plus prier pour fouetter son enfant, et qu'elle fouetta, jusqu'à n'en pouvoir plus. « Ce n'est pas encore assez, » lui dit Noëlic, lorsque le 12e coup sonna. « Il faudra que vous reveniez une 3e fois. » Elle revint. « Surtout, ma mère, » supplia le jeune homme, « allez-y cette fois de tout votre cœur et de toutes vos forces. » Elle se mit à le battre avec tant d'acharnement que la sueur tombait d'elle comme une pluie d'orage et que le sang jaillissait du corps de Noëlic comme l'eau jaillit d'une pomme d'arrosoir. À la fin, sentant son bras se raidir et l'haleine lui manquer, elle cria « Je n'en puis plus, mon pauvre enfant, je n'en puis plus !»« Si, si, encore, mère, je vous en conjure !» disait la voix de son enfant, et cela avec un tel accent d'angoisse que Grida retrouva une seconde d'énergie. Malgré ses tempes qui bourdonnaient, malgré ses jambes qui fléchissaient sous elle, elle fit un effort suprême. Mais aussitôt, elle tomba à la renverse. Grâce à Dieu, son dernier effort avait suffi. Couchée sur le dos dans l'herbe du cimetière, elle vit le corps de son fils devenu blanc comme neige, s'élever doucement dans le ciel comme une colombe qui prend son vol. Quand il fut à quelque hauteur au-dessus d'elle, il lui dit « Ma mère, en m'aimant trop pendant ma vie, en me pleurant trop après ma mort, vous aviez retardé ma béatitude éternelle. Il fallait, pour que je fusse sauvée, que vous fissiez sortir de moi autant de gouttes de sang que vous aviez versées sur moi de larmes. Désormais, nous sommes quittes. Merci. » Sur ce mot, il s'évanouit dans l'air. À partir de cette nuit, Gridalen ne pleura plus. Elle avait compris que son fils était mieux là où il était, qu'il ne l'aurait jamais été sur terre. Conté par un vieux sonneur de Bignou, Arzonorkoz, Dineo, 1887.